Wakavile tulitangaza msiku ya juma ilipita. L'homme de Dieu, le frère Diem est arrivé. Mutumishi wa Mungu, Duku James, anesha fika. Diem, Dieu merci. Il vient de notre assemblée, sœur de Kinzamvwete. Anatokea kukanisa yetu ya kule Kinzamvwete. Chez le frère Tamba Edouard. Nduku yetu Tamba Edouard. Je crois qu'il est passé ici il y a wazia... plus... à peu près 10 ans, à peu près. Aripitaka hapa na wazia, kuna pitaka diri, miaka 12. Il était passé ici. Aripitaka hapa. Je crois que les anciens le connaissent bien. Na wazia, bazamani, wanamjua mzuri. Êtes-vous dans la joie de recevoir notre frère et de le saluer au nom de Jésus-Christ? Na kumsalimia mujina bwana Yesu Kristo. Amina. C'est un jeune ministre. Ni kiana, mais la jeunesse n'est rien. Buyana, ce qui est important, c'est le don. Kya mafaa, ni zawadi. Ça va, nous vous invitons. Tunakualika, karibu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Tuko na fura. Sommes-nous dans la joie? Les Swahili commencent déjà à venir. Kiswahili kinaanza kuja. Je remercie premièrement le Seigneur. Kwanza namshukuru Bwana Mungu. Parce qu'il a permis que je sois au milieu de vous. Juu ariruhusu nipatikane katikati yenu. Dieu soit loué pour cela. Mungu asifiwe juu ya ile. Je remercie aussi mon père. Nashukuru tena baba yangu. Parce qu'il a voulu que je sois au milieu de vous. Jua lipenda nipate kusimama mbele yenu. Dieu leur bénisse. Mungu awabariki sana. Amen. Amina. Je n'ai pas de nouvelles choses. Mishikuwe na bitu bipya. C'est la même Bible que j'ai. Ni paka Biblia moya mwa njwele ni kunayo. Regardez là-bas aussi, c'est la même Bible qu'ils ont. Mukiangalia na bonjo paka Biblia moya mwa beko nayo. C'est le mal et don qui se diffère. Lakini ni mazawadi tu njo inaachana. Amen. Amina. Je vous transmets les salutations. Namilete ya masalamu. De mon père. Ya baba yangu. Parce que j'ai des parents. Juniko na bazazi bawili. Le frère Tamba c'est mon père. Nduku Tamba ni baba yangu. Le frère Jean-Claude aussi c'est mon père. Nduku Jean-Claude naye ni baba yangu. De vous saluer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bani ndiambia ni misalimie mujina Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Prenons Genèse. Tuchugue Mwanzo 22. Mwanzo sura ya 22. Verset 7. Mstari ya 7. Alors basi, Isaac parla à Abraham son père. Isaka akamwambia Ibrahimu baba yake. Di mon père. Na kusema baba yangu. Et il répondit. Na yakajibu. Me voici mon fils. Mi huyu mwana yangu. Isaac reprit. Na Isaka akasema tena. Voici les feux et les bois. Tazama moto yoi na nkuni. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Sasa mwana kondojo akutoa sabiu. Eko wapi? Abraham répondit. Ibrahim akamjibu. Mon fils. Mwana wangu. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Mungu ye mwenyewe atariangaikia juu ya mwana kondoo wa zabihu. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Bon, les ingénieurs, j'ai un peu la grippe. Bafundi sauti yangu inafunga. Moi j'aime le micro là qu'on touche hein, parce que ninapenda ka micro ya kubamba ku mkono. Ça apparemment je niko naona sawa hii haifike. Merci beaucoup. Asante sana. Amen. Amina. Abraham. Ibrahimu. Et son fils, na mwana wake, il partait quelque part. Barikuwa naenda fazi fulani. Mais Isaac a dit à son père, Isaac akamwambia baba yake, à chaque fois que nous partons, kila mara wakati tunaendaka, tout est au complet. Biote binekalaka bia kwenea. Mais cette fois-ci, sasa pa, apparemment il y a quelque chose qui manque. Akonekana tuku kitu kimaki nakosa. Abraham a dit à son père. Ibrahim akamwambia. Abraham a dit à son fils. Akamwambia mtoto yake. Le Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Lui-même. Yeye mwenyewe. Va pourvoir. Atangaikia hii mambo. Et ce soir, tu vas venir d'abord à l'église. Le Dieu du ciel va pourvoir pour toi. Tu n'es pas venu en vain. Amen. Amen. Mais c'est lui qui parle ici. C'est pas moi. Toi ne me regarde pas. Regarde l'auteur de la parole. Alléluia. Amen. À moi n'y a rien. Kwangu mimi hakuna kitu. Amoi mwala. Ndani yangu hamuna kitu. Mais c'est lui qui te parle à travers moi. Ule kuna kuambia kupitia mimi. C'est à lui où il y a quelque chose. Ndani yake ndio mko kitu. Amen. Amina. Et ce soir, Mangaribi aleo, je vais parler d'un petit sujet. Tasema kuhusu shina kidogo ya maubiri. Dieu a pourvu à une voix. Mungu alitayarisha mara moja tu. Amen. Amina. Dans toutes choses, mubintu byote, Dieu a pourvu à une voix. Mungu alitayarisha kunjia. Pour aller au ciel, njia kwenda kumbingu, ya une voix. Kukunjia. Pour aller en enfer, wa kwenda mumoto, il y a aussi une voix. Huko tena na kunjia. Pour être béni, njia kubarikiwa, ya une voix. Huko njia. Frère Branham dit dans cette prédication au paragraphe 11, Ndugu Branham asema muhimu ahubiri pa nukta 11. Il n'existe que deux voix. Huko tu ni manjia mbili. Il y a la voix de Dieu, huko njia ya Mungu, et ta propre voix. Na njia yako wewe mwenyewe. Donc tu ne peux pas marcher avec les deux voix à la fois. Na ile manjia mbili mara soit moya. C'est ta voix, wala ni njia yako, soit la voix de Dieu. Wala ni njia ya Mungu. Amen. Amina. Maintenant ce soir, sa magharibi ya leo, je vais prendre une voix. Tachugua njia moja amen. Tu. Je sais que tu ne diras plus amen. Mina yu asema, uta asema tena amen. Les amen là que tu dis là, ça va disparaître. Maamina ilo kuna sema, itapotea. Parce que je vais parler d'une voix. Juu ntasema juu ya njia que moja. Les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Na bantu wapendake kuisemea. Vous savez, à l'église, unajua kanisa, tout ce qui est à l'église n'est pas la parole. Aina neno la Mungu. Oh, tu ne dis pas amen. Auseme amina. Bon, est-ce que la chaise là que tu es assis là? Et kile kiti pale onekala. Bon, ça écoute la parole. Na yeye kunasikia neno la Mungu. Hein, frère? Eh, nduku. La chaise là que tu es là. Kiti pale wewe onekala. Ça écoute la parole. Et kunasikia neno. La chaise là est spirituelle. Et kile kiti ni kia kiro. Le micro ici est spirituel. Et micro ni ya kiro. Hapana. Frère, nous nous aimons la parole, frère. Si tu n'apprends qu'à neno. Ingénieur, le micro ici apparemment ça ne donne pas bien. Hein? Hey, micro minon. Vous m'écoutez bien? Et tu m'as escamé mzuri. Ça arrive. Mais moi, ça arrive. Ok. Mzuri. À l'église, frère. Kukani sanduku. Il y a des choses spirituelles. Kukubitu ya kiro. Il y a des choses charnelles. Na kukubitu ya kimwili. La chaise c'est charnel. Bile biti ni bia kimwili. Le micro ici. Ma micro ici. C'est pas spirituel. Abina bia kiro. Je vais parler de cette voix là. Ntasema juu ya ile njia. Prends Malachi chapitre 3. Malakia sura ya 3. Verset 8. Mstari ya 8. On a mis ça au tableau. Et tu vas y andika ku bao. Nous avons notre tableau non? Tukuna ubao? Yana pa, ok. Aya kwa tayari. Malachi chapitre 3. Malaki sura ya 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Biblia anatuambia nini pale? Un homme. Mutu. Un homme. Mutu. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Eti mutu anaweza kumdanganya Mungu? Hapana. Kambove. Kambove. Un homme. Eti mutu. Trompe-t-il Dieu? Anaweza kumdanganya mutu? Dieu qui connaît toutes choses. Mungu mwenye kujua vitu vyote. Est-ce qu'un homme peut le tromper? Eti mutu anaweza kumdanganya? Hapana. Non. Mais lis dans ta Bible. Sasa soma mu Biblia yako. Un homme trompe-t-il Dieu? Eti mutu anaweza kumdanganya Mungu? Ya ini réponse là-bas. Kuku jibu pale. Ka. Kwani? Vous me trompez. Muku nani lang, muna ni ibie, muna ni langanya. C'est lui qui parle, là c'est qui? Ule unasema ni nani? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu ye mwenyewe. Car vous. Ju mweye. Vous me trompez. Muku nani danganya. Amen. Amina. Voilà, ça c'est bon. Aini mzuri. Car vous me trompez. Et l'homme discute avec Dieu. Mais toi, tu connais toutes choses. En quoi? Bon, nous, à Kambov. Bon, on peut te tromper en quoi d'abord? Parce que même dans l'eau, tu vois. Même sous l'eau, toi, tu vois. Bon, on te trompe en quoi? Amen. Il y a la réponse dans ta Bible là. Ukujibu mu Biblia yako. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Est-ce que tu peux donner la réponse? Dans les dîmes, et les offrandes. Voilà la voix que nous allons parler ce soir. Frère, nous nous aimons la parole, frère. Frère, prêche-nous la parole, frère. Ne nous prêche pas autre chose. Bon, c'est qu'on vient de lire, on vient de lire ça dans ton livre. Bon, les versets qu'on a lus ici. Dans la Bible de ton père. Biblia ya baba yako. Hein? Le verset ici, frère. I mustari nduku. Dans la Bible de ton père. Eti ni Biblia baba yako. Apana. Non. C'est la Bible, c'est la parole, non? Chini neno la Mungu haina vile. Oh, même si tu ne dis pas amen, mais tu écoutes, non? Hata kama useme amen, lakini huku nasikia. Les sœurs, vous écoutez, non? Batata simu nasikia. Je savais que tu ne diras pas amen, tu écoutes d'abord. Tu sema utasema amen. En quoi? Tunakudanganya munini? Avons-nous trompé? Tunakudanganya mbitu gani? Dans les dîmes, mu mache kumi, et les offrandes. Na mu masadaka. Frère, nous croyons que nous allons au ciel, n'est-ce pas? Donc, si tunaamini asa tenda kumi. Nous croyons à ça, n'est-ce pas? Tunaamini vile haina vile. Le ciel c'est pour nous. Mbingu ni yetu. Sur la terre, pa dunia, nous sommes des pèlerins. Tukubasafiri. Amen. Amen. Mais comme Dieu n'est pas encore venu, ah, vile Mungu ashia kuja. Nous avons besoin d'argent. Tunahitaji fedha. Alléluia. Amen. Comme Jésus n'est pas encore là, vile Yesu asiyakuya, nous avons besoin de véhicules. Tunahitaji magari. Jésus n'est pas encore là. Yesu asiyakuya. Bon, qui oublie ici que nous allons au ciel? Nani ula nasabu asema tukunenda kumbingu. Les sœurs, vous ne savez pas que nous partons au ciel? Eti badada mjua sa tukunenda kumbingu. Nous allons, non? Shinjua vile shitukunenda. Nous vivons au temps de la fin, n'est-ce pas? Tunaishi mwakati ya mwisho haina vile. Amen. Amen. Dieu, Mungu, a pourvu, aritarisha, a une voie, njia moya, pour ta santé, njia afya njema yako, le Dieu du ciel, Mungu wa kumbingu, il a pourvu, aritarisha, a une voie, njia, c'est pour ta santé, ni njia afya njema, le Dieu du ciel, Mungu wa kumbingu, a pourvu, aritarisha, a une voie, njia moya, alléluia, amina. Pour ta maladie, juu ya magonjwa yako, le Dieu du ciel, Mungu wa kumbingu, a pourvu, aritarisha, a une voie, juu ya moya. Amen. Amina. Pour ta bénédiction, juu ya baraka yako, le Dieu du ciel, Mungu wa kumbingu, a pourvu, aritarisha, a une voie, juu ya moya. Dans toute chose, mubintu bia, le Dieu du ciel, Mungu wa kumbingu, il a pourvu, aritarisha, a une voie, juu ya moya. Amen. Amina. Pour que toi tu sois béni, le Dieu du ciel a pourvu aritarisha à une voie, njia moya, en dehors de payer tes dîmes ya kulipa chekumi et tes offrandes na masadaka, il n'y a pas la bénédiction. Hakuna baraka. Bon, je savais que ça, quand on parle de ça, l'église est calme. Et puis on te regarde. Mais ils viennent d'où? Il veut prêcher quoi? La parole. Ni neno la Mungu. Bon, toi, tu veux qu'on te prêche quoi? Unapenda kuhubiri. On t'a déjà prêché la nouvelle, n'est-ce pas? Mais tu ne changes jamais. Alakini haubadiriki. Bon, si tu as déjà le Saint-Esprit, na Mungu wa Roho Mtakatifu, bon, pourquoi tu voles la dîme? Jua nini unashakia? Parce que tu cherches qu'on te prêche le Saint-Esprit. Frère, prêche-nous la nouvelle naissance. Nous aimons la nouvelle naissance, frère. On t'a déjà prêché ça. Mais tu ne changes jamais. Pour tu voles la dîme. Bon, pourquoi tu voles ça? Dieu a nini? Pourquoi tu voles ça? Ingénieur, arrangez ça bien, s'il vous plaît. Pourquoi tu voles la dîme? Dieu a nini unaiba chekumi? Frère, nous allons au ciel, frère. Tu kunenda kumbingu. Les biens terrestres, frère. Bintu ya padunia. Ça ne sert à rien. Abina na mafa. Bon, pourquoi tu travailles? Sasa jua nini uko natumika. Ça ne sert à rien. Abina na mafa. Nous savons que ça ne sert à rien. Najua sema abina na mafa. Ça va rester. Bitabaki. Mais nous en avons besoin. Lakini tunabitaji. Frère, même si tu danses en esprit ici, tu entres en onction. Il débit de culte. Jusqu'à la fin. Quand tu vas rentrer à la maison, ton ventre va demander à manger. Ah, je savais que tu ne diras pas même. Dans la saine doctrine, quand on parle de soutenir l'église, l'église reste calme. Mais quand on parle de Jésus revient bientôt, là tout le monde bouge. Alléluia. Amen. C'est ce que nous croyons. Oh, avancez, frères. Quand on parle d'embellir cette église, les gens vont me regarder. Ah, tu vas t'en y engarir. Père, nous allons au ciel. Amen, mes frères. C'est ça la parole. Ça aussi, c'est la parole. Je viens de lire ça dans la Bible. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Que tu nous dises amen ou pas. Mais c'est la parole. Toi, tu crois que Dieu va te bénir seulement comme ça? Tu ne fais rien pour Dieu. Bon, Dieu te bénit. Avec notre Dieu, donna, donna. Il donne, il te donne. Même pour ton Dieu, tu es égoïste. Depuis que je suis né, le drapeau de Mobutu, je l'ai trouvé comme ça. C'est la barbe. Le drapeau de Mobutu est toujours comme ça. Les frères et les sœurs à l'église qui sont des drapeaux de Mobutu, qui ne bougent jamais, qui ne soutiennent jamais leurs églises, ils sont comme ça. C'est seulement la parole. Frère Mabir, allez au frère. Ah, la prédication d'aujourd'hui, c'était bien. Ah, frère, Dieu fait quoi? Ah, nini? Pour que ce prédicateur c'est bien. Dieu a une moubiri, a ubiri mzuri. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Pour que ce prédicateur l'apprêche bien. Dieu a une moubiri, a ubiri mzuri. Frère, nous sommes les anciens de cette église. Bah, kanisa. Ancien, où est ta chaise ici? Muse, kiti yako iko wapi? Ce que toi tu as déjà acheté, ta chaise. Lui c'est seulement celui l'ingénieur de l'église. Ah, les travaux évoluent bien. Hein? Ça marche. Si on termine ici, on va prendre là-bas. Lui ne donne rien. Et lui, son travail, c'est venir regarder. Les travaux évoluent bien. On va terminer. Et on prend. Il ne donne pas. Et lui, c'est l'ingénieur. Dieu a pourvu à une fois. Frère, dans toutes choses, Dieu a pourvu à une fois. Le ciel c'est pour nous. La guérison c'est pour nous, frères. Aussi Dieu ne nous bénit pas ici. Il va aller nous bénir au ciel. Aussi Dieu ne nous guérit pas ici. Il va aller nous guérir au ciel. Au ciel il n'y aura pas de malades. Donc Dieu est contré. Dieu est contré. Il est contré de nous guérir ici. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de malades. Frère, on va porter la veste ici. Pas au ciel. Amen. Amen. Amen. Ah, c'est la parole, non? C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ma parole à moi? Ah. Les vestes, makoti, ici. Ni hapa paduni. Les chaussures, mabilato, ici. Ni hapa paduni. Ma sœur, la robe est là. Yangu kanzu ici. Ni hapa, hapa. Hapa. Ici. Amen. Amena. Nous allons au ciel. Tumunenda kumbingu. Construire l'église, ce n'est pas un péché. Jenga kanisa ina zambi. Je vous lis le frère Branham. Tamisome anduku Branham. Prenons cette prédication. Tubebe paka imaubiri. Dieu a pourvu à une voix. Mungu alitayarisha njia moja. De 1962 au paragraphe 62. Je me demande aujourd'hui si nous ne sommes pas aussi emballés dans un réveil pour bâtir de nouveaux endroits. Frère Branham a prêché ça en 1962. Amen. Ça, c'était en 1962. Il y dit, anasema, nous ne sommes pas emballés kama atubebwe, dans un réveil atubebe muamusho, de bâtir kujenga, de nouveaux endroits. Mupia. Amen. Amina. De nouveaux endroits. Mafazi mupia. Et il continue, il dit, anendelea na kusema, nous disperser, nous emballer, construire kujenga des grands bâtiments. Maekalu munene. Amen. Amina. Frère, si nous construisons des grands bâtiments, kama tunaenga mahekalu munene, est-ce que c'est un péché? Eti ni zambi ile. Ah, dis d'abord amen, c'est la parole, non? Amina, shini neno. Frère, si on embellit cette église, kama tukitengeneza ikanisa, c'est un péché? Eti ni zambi. Frère, nous allons au ciel, frère. Nduku, tuku nenda kumbingu, nduku. Oh frère, les biens terrestres, frère. Bintu bia padunia. Ça va rester, frère. Itabakia. Nous savons que ça va rester. Unayua sema bia. Personne bia n'oublie. Hakuna mtu lashiyue. En commençant par votre berger. Anzia kwa mchungaji wenu. Jusqu'au dernier brebis. Kufika na kwa mwaminifu. Nous savons que Jésus revient bientôt. Sema Yesu yuko nakuja. Mais frère Branham dit. Nduku Branham anasema. Nous ne pouvons pas construire des grands bâtiments. Mahekalu munene. Amen. Amina. Vous construisez, je vois, c'est beau. Munayenga mimi naona ni mzuri. Le prophète continue, il dit. Nabii anaendelea kusema. Tout en prêchant. Mukuhubiri. Écoute bien. Musikie mzuri. Frère, écoute bien. Musikie mzuri nduku. Tout en prêchant. Namkuendelea kuhubiri. Que la venue de Christ. Ya kwamba kuja kwa Kristo. Est proche. Unakuwa karibu. Amen. Amina. Nous construisons. Tukunayenga. Micro. Je bouge beaucoup. Niko na tenka sana nduku. Mpache tu paka I cravate. Amen, eh? Amina. Excusez. Muni iwe razi. Nous sommes dans notre maison, non? Shituku mu nyumba yetu. La technique c'est caprice. Ah, ma. Bon, maintenant si nous n'avons pas l'argent, frère. Ça kama tuna na feza. On va acheter ça comment? Tutauza bien namna gani? Oh, spirituellement les micros va descendre. Mukiro eti micro itanguka. Ça va venir dans le spirituel. Itanguka tu mukiro pake efi. Il faut l'argent, non? Inapashi kukwe feza. Amen. Amina. Le feza doit être là. Feza inapashi. Sans feza, sans argent, on n'aura pas de micro. Tutakuwa na micro. Sans feza, on n'aura pas de chaise. Sans feza, votre pasteur n'aura pas le carburant. Pastore hatakuwa na carburant mu gari yake. Sans feza, sans argent, il n'y aura pas de télévision comme ça. Ma télévision. Sans feza, sans il n'y aura pas de rideau comme ça. Sans feza, il n'y aura pas de drum. Il n'y aura pas de synthétiseur. Ma nous allons au ciel, mais nous avons besoin d'argent. Parce que nous sommes encore sur cette terre. Bon, toi, Jésus t'a dit qu'il vient demain. Yesu anakuambia sasa yanakuwa kesho. Vous avez causé avec Jésus. Urusumbura na Yesu. Il t'a dit que demain il vient. Anakuambia sasa kesho injo atafika. Même les anges, malaika, ils ne connaissent pas. Yue, shiko, tant que Dieu nous donne encore les souffles de vie sur la terre, pumzi, abuzima, restons dans la voie qu'il a tracée. Si tu veux être béni, en dehors de cette voie, inje ya inje, Dieu ne te bénira pas. Wawezu, kubariki. C'est ça la maladie de nos églises. Gonjo, la saine doctrine. Nous ne partageons jamais. En commençant chez nous. Jusqu'ici. Comme ça. Nous c'est seulement la parole. Frère, la parole, frère. Parole nini wanayo zanango wana. Parole nino zanango. Mais ton église, tu ne soutiens jamais. Frère, nous aimons les messages, frère. Bon, ça, c'est quoi? C'est pas les messages? Frère, nous, c'est la Bible, frère. Ça, c'est pas la Bible. Hein? Je savais que tu n'iras pas amen. Même si tu ne dis pas amen. Mais au moins, tu écoutes. Frère, nous aimons la parole, frère. Frère, nous prêchons les messages, frère. Ça suffit, frère. Bon, pour que tu viennes prêcher ici. C'est pas le micro doit être là. Micro amen. Amen. Ah, ça prend de la place. Hein. Ah, c'est ça la parole. Hein. Viens au verset 10. Malachi chapitre 3 verset 10. Malachi 3 mstari ya 10. Qu'est-ce que la parole nous dit? Neno inatuambia nini? Apportez à la maison du trésor. Mulete ku nyumba ya hazina. On a dit la maison de frère Mbala. Barisema ni nyumba ya ndugu Mbala. La maison de Mzee Mbala. Ni nyumba ya Mzee Mbala. Mettez-moi ça là-bas, je vais lire là-bas. Mulieke ku television isome. Mettez-moi à l'écran. Mulieke je vais lire. Wandi konta isoma. Apportez, voilà. Merci. Asante. Apportez à la maison du trésor. Mulete ku nyumba ya hazina. Tout est. Ma chekumi yote. c'est avec S. Même les pornous. Amen, ça c'est la dîme. Même les manioc. C'est la dîme. Amen. Amina. Toutes les dîmes. Yote. Afin. Juya. Qu'il y ait. Upate kuwa. De la nourriture. Chakula. Dans la maison de qui? Munyumba ya nani? Maison du pasteur. Munyumba pastori. On a dit dama. Marsema, ça c'est la maison de Dieu. Munyumba ya Mungu. Vous croyez à ça? Munamini file. Amen. Amina. Comment tu viens à la maison de Dieu? L'argent que tu ne peux pas donner à tes enfants, c'est ça que tu amènes à l'église. Est-ce que Dieu c'est ton grand-père? L'argent que tu ne donnes pas à tes enfants, qu'ils amènent ça à l'école, c'est ce que tu donnes comme offrande. Et puis c'est déchiré. Honte à vous, frère. Honte à nous, frère. C'est pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Continuons. Ok. Mzuri. Maintenant, le verset qui suit là. Il est mustari nafata. Mettez-moi. Mais qui parle ici? Dinani ule kona sema. C'est l'Éternel, non? Jini wa milele Yehova. C'est lui-même qui dit. Ye mwenyewe anasema. Mettez-moi. Munipime. Répétez, frère, tiens. Munipime. Munipime. Mettez-moi à l'épreuve. Est-ce que toi tu as déjà munipime, Jésus? Est-ce que toi tu as déjà essayé? Hein? Tu as déjà mis à l'épreuve. Jésus te dit, moulipime. Mettez-moi à l'épreuve. Écoutez. Musikie. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Munipime muina muna. Et dit na anasema. L'Éternel Yehova wa majeshi. Des armées. Wa majeshi anasema. Alléluia. Amina. L'Éternel des armées. Yehova wa majeshi. Lui quand il marche, il n'enlève pas sa tenue. Un colonel. Quand il va aller en Zambie, il n'entre pas avec sa tenue en Zambie. Il enlève. Il met les habits comme mon père Ndai. Parce que là-bas, il n'est pas colonel. C'est un autre pays. Amen. Quand il veut partir, je ne sais pas, Togo, il enlève la tenue. Mais notre Éternel des armées, lui-même, c'est en Zambie. Avec son tenue, il n'enlève pas. Il part en Zambie avec sa tenue. Même je ne sais où, en Europe, avec sa tenue. Il est l'Éternel des armées. Amen. Lui, il marche partout. Maintenant, c'est lui qui te parle ce soir. Mets-moi une épreuve. Olipime. Mettez-moi une épreuve. Est-ce que toi, tu as déjà mis une épreuve? Oui, depuis que tu es chrétien. Il y continue. Ah, la Bible est beau, hein? Bible est comme Zuri sana. Biblia iko mzuri. La Bible est très beau. Frère, Dieu nous a tout donné. Mungu alitupatia biote. Frère Frank dit. Dieu ne nous a pas béni seulement. Mungu ashitubariki tu. Des bénédictions célestes. Paka mabaraka ya kumbingu. Il a pourvu également. Alitayarisha tena. Pour nos besoins terrestres. Tu as mahitaji yetu hapa dunia. Afanye nini sasa, s'il vous plaît. Je vais lire ça. Taisoma sasa. Non, frère. Na pana nduku. Ce sont des choses terrestres, frère. Vitu hapa dunia nduku. Ah, écoute. Sasa usikie. Igual que Frank. Igual de Frank. Il dit ceci. Anasema hivi. Dieu, Mungu, skipper. Ni nani anasema? Chini Mungu. Dieu, Mungu n'a pas seulement répandu ashizambalishe tu ses abondantes bénédictions. Baraka yake ya uwingi. Sur le plan spirituel. Muma kiro. Mais alakini, il a également arimwanga tena pourvu aritarisha suffisamment mzuri mzuri à nos besoins mahitaji yetu terrestre hapa dunia. Amen. Amena. Pour ta maladie, Dieu a magonjo yako, Dieu a pourvu à une fois. Mungu aritarisha njia. Pour la bénédiction, Dieu a baraka yako. Dieu a pourvu à une fois. Mungu alikutarishia njia. Pour aller au ciel, Dieu a kwenda kumbi. Dieu a pourvu à une fois. Mungu alikutarisha njia. Dans toutes choses, tu mubintu bia. Dieu a pourvu à une fois. Mungu aritarisha njia. Dieu te dit ulipime. Mungu asema mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Amen. Ah, voilà comment ils me regardent. Les volets. Mais ils veulent partir au ciel. Bon frère, écoute un peu. Écoute un peu. Le ciel où tu veux partir. Mumbingu mule unapenda kwenda. C'est le ciel de Jésus. Ni mbingu ya Yesu. Amen. Amen. C'est le ciel de qui? Ni mbingu ya nani? De Jésus. Ya Yesu. Mais là dans la Bible. Dans son Biblia. Il est écrit. Banaandika. Que le ciel de Jésus. Ya kwamba mbingu ya Yesu. Ma barabara ya Yesu. Les rues de Jésus. Sont pavées. Banaipamba. De. Na. De l'or. Na zaabu. C'est ça non? Chinjo vile. Les rues. Ma balabala. Sont pavées. Banaipamba. Na zaabu. Ok. Muzuri. Maintenant. Tasa. Ici si la terre. Apa padunia. La dîme. Chekumi. De 100 francs. Ya 100 francs. Tu voles. Ukuna iba. Mais là, le Dieu du ciel sasa, va prendre un volet. Il va l'amener dans son pays yake, où les rues mule sont pavés banaipamba, de l'or. Mon frère, Nduku, nous nous serons dans la maison si wa et puis on va se réveiller un bon matin. Subuhi, on regarde balabala iko moya. Il n'y a plus de l'or. Zaabu. Parce qu'il y a un voleur parmi nous. Dieu moins si moi katikati yetu. Aussi la dîme de 100 francs. Dieu a dit 10 000. Tu voles. Il y a 100 francs. Aussi Dieu t'amène au ciel. Sasa kama Mungu anakupenda. Oui alors n'est pas à la maison. Ule zaabu haina hata. Mais dans les rues. Iku ni mubalabala. Est-ce que tu vas laisser ça tranquille? Utacha ile zaabu pasho kuiba. Donne la réponse toi-même. Wewe mwenyewe leta jibu. Ma balabala ya Yesu. Les rues de Jésus-Christ. Dans son pays. Mwinchi yake. Les rues. Ma balabala. C'est pavé de l'or. Banaipamba. Mais toi si la terre. Dunia. La personne qui doit t'amener au ciel. Mtu wa kupeleka c'est Yesu. C'est lui que tu voles. Jo ule kunaiba. Frère. Bon, toi-même frère. Wewe mwenyewe tu nduku. Mais quand tu viens ici. Wakati unakuja hapa. Un safari ninaenda. Dans le voyage je pars. Naenda où? Tu vas où? Dans le ciel de qui? Mumbingu ya nani? Parce que les volets ne seront pas au ciel. Tengeneza d'abord ici. Répare d'abord ici. Avec Jésus. Na Yesu. Pour qu'il t'amène au ciel. Pato kupeleka kumbingu. Ah, je savais que tu ne diras pas amen. Mili yu asema, utasema amina. Mais dis-moi, tu écoutes. Hein? Alakini unasikia. Les oreilles, écoute, non? Masikio yako shinashikia. C'est ça l'essentiel. Njoo ya mafa. Et vous verrez. Na mutaona. Ah. Donc quand il me dit en épreuve, kama ukimupima Mungu, il te dit, anakuambia, et tu verras, akisha utaona, alléluia, amen, et vous verrez, na mutaona, si je nous, kama mishi, pas pour lui, apana juu yake, il ne va pas ouvrir pour lui, aishi tarifungulia, parce que lui, juu ye, c'est le créateur de toutes choses, mumbaji wa vitu, il est le donateur de toutes choses, yeye wa kuleta vitu vyote. Jésus vit déjà au ciel. Yesu ye, c'est toi mbingu. Qui veux aller au ciel. Oui, lui, depuis que toi tu es né, ye, ule, wa, ulipenda. Il vit toujours au ciel. Ye, amen. Amina. Et vous verrez, na mutaona, si je n'ouvre pas kama mishi mifungurie, pour vous mifungurie, les églises, madirisha, ma ah? Madirisha, ma fenêtre. Les églises, c'est les fenêtres. Hein? Oui, oui. Des ma fenêtre ya kumbingu. Si je ne réponds pas, kama mishi mumiangie, sur vous, mishi mizambadishie, la bénédiction, ma baraka yulu yenu, ana, katika, en abondance, katika uwingi. Bon frère, regarde toi un peu, ujiangalie kwanza nduku, tu vis en abondance, et tu kunaishi katika uwingi. Regardons-nous un peu en face. Uniangare kwanza hivi uso. Le Dieu du ciel. Bintu wa kumbingu. Te dit. Mungu wa kumbingu. Même en épreuve. Anasema unipime. Moi le donateur de toutes choses. Mungu wa kuleta vitu vyote. Je vais te bénir. Nitakubariki. En abondance. Katika wingi. Donc même les habits. Na hata mazao. En abondance. Mavazi katika wingi. Même les enfants. Hata watoto. En abondance. Katika wingi. Même les véhicules. Hata magari. En abondance. Katika wingi. Frère, nous en avons besoin, frère. Tunabitaji nduku. Nous allons au ciel. Nduku nenda kumbingu. Oh oui, amen. Amen. Mais nous sommes encore ici. Alakini, tungariki nous en avons besoin. Una bitaji bibintu bibintu. Dieu a pourvu Mungu alitarisha njia moya. Dieu a ébibi tout. Les dieux du ciel. Mungu a kumbingu. Savait que toi tu tomberas malade. Aridju asema utagonjwa. Les dieux du ciel. Mungu a kumbingu. Savait que tu auras besoin d'un pantalon. Aridju asema utaicha un pantalon. Mungu a kumbingu. Savait que cette église. Aridju asema ikanisa. Aura besoin de chaises. Itahitaji biti. Mon frère, s'il n'y a pas l'argent, on va acheter des chaises. Duku, kama hakuna fedha, utauza biti. Frère, ne faut pas être trop spirituel. Ushikwe wa kiro sana. Frère, nous c'est la parole, c'est fou. Si, si, nipaka neno, kunaisha. Les bureaux là où j'ai médité là. Ma bureau mule nari. Aussi, il n'y avait pas l'argent. Kama kukwe fedha. J'allais méditer dans un bureau comme ça. Nipa shufikili umbire. Comme toi, c'est la parole. Sa vile we, nipaka neno. Tu es trop spirituel. Siku wa kiro sana, sana. Ma bire est là, frère. Mais les jeunes, il prêche quoi, frère? Est-ce que ça, c'est la parole, frère? Eti ni neno hi. Bon, c'est quoi? Ni ni ça. C'est ta parole à toi. Ni neno yako wei. Donc lui, quand il vient à l'église, wakati anakuwa kanisa, il n'écoute pas la prédication. Ashishiki yake mahubiri. Il écoute les erreurs. Eko na shikia makosa. Quand tu le vois écrit, wakati atandika, toi tu penses qu'il est en train d'écrire. Wazia sema unaandika mahubiri. Il écrit les erreurs des prédicateurs. Il a lu dans Matthieu. Non. Apana. Il allait lire dans Jean. Aripashu usoma mu Yohane. Et puis il vient dans Timothée. Kisha anarudia mu Timothée. Et puis il passe dans Marc. Kisha anapita Marko. Il a mal placé les écrits. Aripanga mbaya maandiko. Le ministère c'est du fer. Ma utumishi na chana. Il y a des enseignants, il y a des docteurs, et il y a des évangélistes. Amen. Amina. Je ne prêcherai pas comme mon père. Mista ubiri sa baba yangu. Jamais. Apana. Il ne prêchera pas comme moi. Na yasta ubiri sa miye. Jamais. Kamwe. Dieu Mungu nous a donné les dons différemment. Alitupatia mazawadi ya kuachana. Amen. Amina. Mais comme lui. Sawa yeye. C'est seulement lui qui connaît prêcher. Bien joué na yo. Quand les autres prêchent. Wakati wengine wanaanza kuhubiri. Aujourd'hui frère, nous n'étions pas édifiés frère. Ah, atukujengwe leo. Il n'a rien prêché frère. Ashikubiri kitu. Mais je n'irai pas. Ah, kesho shitende. Lui c'est ça. Yeye ndiye paka. Quand il écrit là. Wakati yona. Toi tu crois qu'il écrit le verset biblique. Il andika ma mistari ya Biblia. Il écrit les erreurs. Yeye andika makosa. Il a mal serré son cravate. Ah, alifunga mbaya cravate yake. D'abord les boutons sont ouverts. Ma boutons yeye kuwazi. Pourquoi il marche là-bas? Kani nayo anashunguruka kule kumbele. Ah. Ah. C'est seulement lui qui prêche bien. Paka yeye ndiye kona ubiri mzuri. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous voulez être béni, n'est-ce pas? Si unapenda ubarikiwa aina vile. Vous voulez être béni? Si vous voulez être béni, si vous voulez être béni, napenda barikiwa, la voie est là. Njia yoi. Dieu a pourvu. Mungu alitayarisha. Aina voie. Njia moja. Pour ta bénédiction. Njia baraka yako. Je me marie pas. Mishiowe. Dieu va te donner un mari gratuitement. Mungu atakupatia bwana kwa mwana. Même l'église. Wakati le kanisa. Sinibalai pa. Mukanisa wa. Ele Dieu du ciel. Prends un mari. Mungu akwa bebe bwana. Gratuitement comme ça il te donne. Pake vitu akupatie bia bule. Tu donnes 100 francs à Dieu. Unaleta 100 francs. Mais quand tu viens ici. Wakati unakuya. C'est toi qui viens demander des millions. Wenje unakao kulomba mamilioni. Bon, le Dieu du ciel va prendre ça dans les comptes de qui? Mungu akumbingwa atabeba mkonti ya nani? Pour te donner toi. Dieu akupatia wewe. Dieu te donne. Mungu anakupatia. Sasa toi tu donnes. Eko nakupatia paka ile wewe unaleta. Ah, tu écoutes, non? Tu unasikia. Ah, même si tu ne dis pas amen. Ataka mausema amen. Mais tu écoutes bien. Alakini unasikia. Nous dans nos églises de la saine doctrine. Makanisa yetu. En commençant chez nous. Ya kwanzia kule kwetu. Nos bras sont comme ça. Mikono iko paka ya kufunga. On ne soutient jamais nos églises. Atusaidie yake kama makanisa. On ne soutient jamais les hommes de Dieu. Atusaidie kama watumishi ya Mungu. Le pasteur n'a pas bien prêché tous ces derniers temps. Pasteur, il a choisi. Est-ce qu'il sait qu'il a mangé? Eh, tu n'as rien recul là. Afrembala Mikolo, c'est à quoi limbalimba? Afrembala. Quand il lui a demandé ce qu'il a mangé, on a joué recul là. Les pasteurs qui maudit leur brebis et la chair. Bah, pasteur, ben on a l'air. Ne faut pas les condamner des fois. Apana kuba ukumu. Parfois, quand il regarde chez lui, wakati anangara, il n'a pas de braise. Ashina na makala. Mais il doit prévenir prêcher. Anapashi kwa kuhubiri. Mais c'est toi. Wako wei. Il y a des brebis qui sont impolis même. Kuku ba minifu ba shu ata kujulikana. Bip son pasteur bip. Beko na bipe ba pasteur wabo. Tu es impoli hein. Ba shu poko na heshima. Bip. Beko na bipe pasteur wabo. Je vais biper papa Mbala. Dans bipe pasteur. Lui quand tu dis bip il va appeler. Ye ukimbipe toi. Tu es impoli. Auna na adabu. Tu c'est impoli. Et puis il bipe. Kisha na bipe. Et on l'appelle. Na bana mwita na mwita. Et il commence à raconter. Ananza na kusema mambo. Papa tu sais. Pastori. Nous sommes à l'hôpital. Oh, tu kuko hôpital. On n'a pas piqué une crise. Tout on a fait crise. Mais après ici. Asa pa. Inite Isaiah yo ou bien Isaiah yo. Inite ni yako ile unamwita nayo ni yenjwa na kuita. Et puis tu demandes la prière. 5 minutes. Una lomba 5 minutes wakombe na kombe. Toi tu envoies les crédits là-bas. Wo unamtumia kama inite. Mais les crédits pour regarder les matchs. Ma inite juangare ma match. Les crédits pour regarder TikTok. Ma inite juangare ma TikTok. Certes, là tu as l'argent. Ah dada, ukuna feza. TikTok. TikTok. Tu as l'argent. Ukuna feza. Mais le Dieu du ciel, alakini Mungu là où tu adores, c'est là où tu amènes des 100 francs. Jomule unaleta 100 francs. 200. 200 francs. L'argent que tu ne peux pas donner à tes enfants ma frangela qui sont à l'école primaire. Jomule unaleta kanisa. Mais tu les donnes au frère, le Dieu du ciel, Mungu akumbingi, qui te donne les souffles de vie. Unakupatia pumzi ya buzima bia bule. Mon frère, si Dieu veut nous facturer ici, si Dieu veut nous facturer, quand Mungu anaweza kutulomba facture, tu seras payé. Utaweza kulipa. Assez. Dada. Tu seras payé la facture. Kama ulomba facture, utaweza. Tu es ingrat pourquoi? Jua nini unakosa shukrani? Tu es ingrat pourquoi? Unakosa shukrani dada. Ça devient dire. Binakuwa bia nguvu. Toi tu pensais que je vais prêcher quoi? Uruwaza santa ubiri bintu kani. La nouvelle naissance. Uzaliwa mara ya pili. On t'a déjà prêché ça. Manesha ukuhubiri hiyo. Il change jamais. Ya hasta sitabadilisha. La divinité. Mungu on t'a prêché ça tout si c'est moi. Tu connais qui est Dieu. Unajua Mungu ni nani? Eh? Ah, on t'a prêché ça non? Shimanesha ukuhubiri hiyo zamani. Eh. Tu connais qui est Jésus. Unajua Yesu ni nani. Et maintenant le Dieu du ciel. Sasa Mungu akumbi. Te dit. Anakuambia. Mets-moi en épreuve. Unipime. Frère, les gens qui sont plus bénis. Duku bantu benye barikiwa sana. Ce sont les gens qui croient au tonnerre révélé. Ni bantu benye kuamini mamiunguruma ye kufunuliwa. Frère, je vous dis la vérité frère. Namiambia ukweli ndugu. Chez eux là-bas. Kule kwabo kule. La dîme. Chekumi. C'est révélé. Iko yenye kufunuliwa. Chez eux. Kwabo kule. Hein? Hein? Soutenir leur église. Usaidia kanisa yabo. Excusez. Muniurumie. Soutenir leur église. Usaidia kanisa yabo. C'est révélé. Inechofunuliwa. Soutenir leur pasteur et leurs anciens. Usaidia pastor na et leur prédicateur. Nabaubiri yabo. C'est révélé. Inechofunuliwa. Maintenant chez nous. Sasa kwetu. Tonnerre n'est pas révélé. Aminguruma ina kufunuliwa. La dîme. Chekumi. N'est pas révélé. Na yua ina kufunuliwa. Soutenir l'église. Usaidia kanisa. C'est pas révélé. Aina yenye kufunuliwa. Venir à temps à l'église. Uya kila wakati c'est pas révélé. Mbele ya wakati aina yenye kufunuliwa. Chez nous, wetu, tout est bloqué. Byote ni byenye kufungwa. Tout est bloqué. Byote ni byenye kufungwa. Nous sommes à la fin de l'année. Tuko kumwisho wa mwaka. Tu as déjà acheté même un cinglé pour ton pasteur. Et tu n'es chez ata. Cinglé. Pastori wako. Les cinglés qu'on met là-bas. Cinglé tu na vala ndani. Il y a déjà acheté ça cette année. Est-ce que vous êtes chez Mujakai? Frère. Duku. Ne dors pas, frère. Réveille-toi, frère. Tu as déjà acheté même un cinglé pour ton pasteur? Vous êtes chez Mujakai, ta pasteur, ou cinglé? Cinglé. Cinglé, tout cinglé. Dans un mois. Moi. L'année ici termine. Moi, quand il y a une année. Tada. Cinglé, pour toi. Cinglé, tout. Dieu a pasteur, ou l'eau, l'eau. L'eau de bouteille. Ya, ma ya vous avez déjà déposé le paquet de l'eau. De est-ce que vous avez déjà déposé le paquet à maï kwa pastori? Naenda. Tunenda. Naenda. Motiva où? Où nenda wapi? Dans le ciel de qui? Mumbingo ya nani? Parce que chez nous, juu kwetu, il n'y aura pas de voler. Akuta kwa ba mwizi. Ça devient amer. Binakwa bia buchungu. Ah, c'est ça la parole. Njoinye neno. Mais les jeunes ici, ils viennent tout d'abord. Na, ukiyana, mais pourquoi pasteur doit donner un petit comme Jua ça? Nini pasteur anapacha tukiana hivi mimbari. Kesho mista kuya. C'est ton problème. Ni mambo ya kuya. Les enfants de Dieu watoto ya Mungu viendra écouter la parole de leur no, père. Watakuwa kusikia neno ya baba yabo. Ce qui est prêché ici, ile bana ubi c'est la parole de notre père. Ni neno ya baba même si ça fait mal, hata kama inauma, akiro nu encore. Tenda tena kwa nani mungu. Amen. Amina. Même si ça nous blesse, hata kama inatumiza, on viendra toujours. Kwa paka Dieu te dit. Mais moi, on épreuve. Donc, quand il met Dieu, on épreuve. C'est plus ton problème. Maintenant, c'est le problème de Dieu. Toi, quand tu vas prier, dis seulement Seigneur, qui a dit. Dieu est faible. Quand il lui prend, par sa parole. Si tu veux voir Dieu, il est dans sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Seigneur, Buana, c'est toi qui as dit. Wenjori, là où Dieu est au ciel, là où il est, ule Mungu il commence déjà à bouger. Anaza mais cet enfant, il veut demander quoi encore? Quoi encore? Bon, papa, Dieu n'est pas papa. Mungu ana papa. Il est père. Eko baba. Père, baba, c'est toi qui as dit. Wenjori, sema. Que si quelqu'un te met en épreuve, les écrits des cieux, mama dirisha kumbi, tu vas bouger. J'ai été mis en épreuve. Et le reste, sasa ile je reste entre tes mains. Là, Dieu, quand il est au ciel, là, il regarde. C'est quoi ton problème? Mambo yako non, les enfants sont malades. Batoto ni bagonjwa. Les matins, tu te réveilles. Les enfants en bonne santé. Batoto mwafia njema. Dieu a regardé dans ton corps. Il yako a récupéré un peu là. Anabeba il jette dans tes enfants. Et le matin, tes enfants commencent à jouer. Bananza na kucheza. Amen. Amina. Dieu n'est pas en dehors. Mungu ana inje. C'est sa parole. Ya neno lake si tu veux voir Dieu, reste dans les limites de la parole. Mumipaka ya neno si tu veux être béni, Dieu dans sa parole. Mungu lake. Si tu veux aller au ciel, unapenda kwenda kumbingu, dans sa parole. Eko muneno lake. Amen. Amina. Ah. Ah. Maintenant, sasa, verset 11. Mstari ya 11. Qu'est-ce que la parole nous continue? Tuendele. Pour vous. Pour qui? Kwa banani. Ceux qui le mettent en épreuve. Vale beko na mupima. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mungu atafanya quand il lui met en épreuve. Wakati unamupima. Alléluia. Amen. Même moi ça là-bas. Je vais lire là-bas. Unieke ni somme ku television. Pour vous. Kwenu mweye. Bon, si tu payes la dîme, comme on a lipa chekou, mets ton nom. Weka po jina lako il faut pale. Dire pour moi. On a sema kwangu miye. Pour vous. Kwangu miye. Je menacerai. Minta fukusha. Yeah. Mm. Alléluia. Amen. Quand le diable wakati shetani anapenda ukombanisha. C'est Dieu lui-même. Mungu ni yeye mwenyewe. Qui descend. Ndio atashuka. Il se présente là-bas. Et il demande le diable. Anamwambia shetani. Ndio aleu. Unapenda kwenda wapi? Alléluia. Amen. Quand les sorciers wakati mbalozi veulent te dévorer, wanapenda kukula, Dieu lui-même, Mungu yeye mwenyewe, il est déjà là-bas. Anesha kufika. Et il demande au diable. Anamuuliza shetani. Tu veux aller où? Unapenda uende wapi? Parce que cet enfant ici, juu huyu mtoto, il me met en épreuve. Eko nanipima. C'est pourquoi tu vois. Njoka maana utaona. Tu n'as même pas une grande boutique. Hauna tena boutique mnene. Ta boutique est petite comme ça. Boutique yako ni kama mais quand l'intérêt de Dieu. Faida ya Mungu. L'intérêt de Dieu. Faida ya Mungu. Est dans tes affaires. Iko mu makazi yako. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Vie dans tes affaires. Anakuwa mu makazi yako. Et le monde. Na ba mudiri. Ils vont pas comprendre. Hawataelewa. Il ne gagne pas beaucoup. Ashipataki bia mingi. Mais il est en train de construire. Ça c'est qu'on a yenga je. L'intérêt de Dieu. Faida ya Mungu. Est dans tes affaires. Iko mukazi yako. C'est pourquoi Dieu. Ndio kwa maana Mungu. Il est aussi dans tes affaires. Na yeko mukazi yako. Amen. Amina. L'intérêt de Dieu c'est quoi? Faida ya Mungu ni nini? La dîme ou. Ni chekumi yo. C'est fini. Kunaisha. Frère, Dieu te donne 90%. Mungu anakupatia 90%. Lui te donne moi seulement 10%. Anakulomba tu ka 10%. Mais quand il y a ça. Wakati huko nayo. Commence le calcul. Unaanza kuma calcul. Seigneur, tu sais non. Bwana unayua. L'enfant est malade non. Mtoto cheko mgonjwa. Bon, j'ai des dettes non. Niko na mandeni. On calcule pas Dieu. Hapana kufanya mahesabu. Quand il calcule Dieu. Ukifanya mahesabu mbele ya Mungu. Ndiye ni aussi. Mungu mkumbingo nayo. Calcule. Naye anafanya mahesabu. Il calcule le Seigneur. On a fait un maïsabu. Il donne de toutes choses. Mais lui aussi va te calculer. Naya ta kufanya maïsabu. Alléluia. Amen. Ça entre, hein? Binengia. Ah, c'est ça la parole. Njo inye neno la Mungu. Il pensait que je vais prêcher quoi. Ruaza santa ubiri bintu kani. C'est ça. Njo paka ibi. Media ne preve et vera. Umupime Mungu utaona. Et tu verras. Na utaona. Abraham. Ibrahimu. assiste la chaîne, les chaînes de membres. Mwenye kuikala chini ya mti. Il regarde trois hommes. Akaona bantu batatu. Il dit, anasema, ces trois hommes là. Aba bantu batatu. Les deux là sont. Bale bawiri. Mais celui là qui est au milieu. Lakini ule ko pakati. N'est pas n'importe qui. Ana mtu tu wabule. Notre Dieu. N'est pas n'importe qui. Na yana wabule bule. Il est le roi. Des lois des rois. Lui, on lui a pas voté. Il n'a pas de mandat. Oh. Ana na manda, pana. Oh non, aujourd'hui, il est Dieu. Leo eko Mungu. Demain, il change. Kesho anabadirika. Il ne change pas. Ye ashibadirikake. Abraham a regardé. Abraham a kangaria. Il a dit. Akasema. Ces trois hommes ici. Aba bantu batatu. Mais celui qui est au milieu ici. Ule pakachi. Venez un peu vous reposer chez moi. Vous pouvez me promouvoir quelque Dad. Accueil. Vous pokele ya bakeni. La façon de recevoir les gens. Namuna kupokele ya bantu. Il y a des sœurs ici. Huku ba dada hapa. Même l'eau. Ata mai. Ne partage, elle ne donne jamais l'eau. Achineta ke ata mai. L'eau à boire. Mai tu ya kunywa hii. Elle reçoit les gens. Et on a poké ya bantu. À la porte. Umulango inje. Ndugu. Jambo frère. Ouais, bonjour mon frère. Tu es de passage? Huku napita. Ah. On a pita. C'est. Dada. Mais quand tu viens ici, c'est toi qui danses en esprit. Wewe ndio unacheza mukiro hapa. Quand tu viens ici, ukikuya huku, oh. Unapika kakundulula. Pourquoi tu fais Jo nini unapika? Mais l'autre ni partage. Alakini mai ya ukabulake. Abraham. Abraham. Appelé. Aliita. Elohim dans la chair. Elohim mumwili ya bumuntu. Jésus a senti la famille. Yesu alishikia njala. Ndugu Branham asema. La faiblesse de Jésus. Uzaifu wa Yesu. C'était la famille. Ilikuwa ni njala. Njala. La famine. Epesa kakanda. Ah, inaletaka makari. Njala frère. Njala ndugu. Epesa kakanda. Inaletaka bishilani. Jésus a maudit l'arbre. Yesu alilani mti juu ya njala. Personne. Hakuna mtu. Mangera des fruits. Hakuna mtu atakula kumuti yako. Juu ya nini? La colère. Kasirani. Elohim chez Abraham. Elohim kwa Ibrahim. Sarah. Sarah. L'homme là que tu vois là. Ule mtu unaona ule. Ule kio milie là. Ule upa katikati. Ne joue pas avec. Ushicheze naye. Prépare bien là. Pika mzuri. Il y a des sœurs ici. Huku ba dada. Quand tu lui dis de préparer. Ukimwambia ipika. Hey. Hey. L'huile est au-dessus. Mafuta yulu yulu. L'eau au milieu. Ma ipakatikati. Amba là-bas. Mule chini. C'est pas cool. Abina bia kuivya. Sir, elle cherche le mariage. Dada, on a tafuta bambu. Tu vas aller faire quoi là-bas? Utaifanya je. Quand lui lave les assiettes. Wakati anasafisha masani. L'huile est comme si on n'a pas lavé. Mafuta iko kwako saba kusafisha hata. Les lits, tu ne sais pas arranger. Kitanda uye kutandika. Tosho, nana mi la maison là. Kolopa nyumba. Tu ne sais pas. Ah, uyuwe. Il va aller faire quoi? Asa, utendo fani. Parce que toi, ton problème. Du mambo yako. Ni paka vahesabu ya feza. Telephone. Kuchate. Pana chate. Kunaishi. Là-bas, mama est en train de préparer. Kule mama yako neepika. Upana chate. Tase. Un très bon modèle. Hein? Ah, un modèle moi, mzuri, hein? Yeah. Hein? C'est ce qui règne ces derniers temps. Je vais acheter, je vais acheter ça. Tauza hii. L'argent que tu trouves où? Feza ile unaipata wapi? Tu ne travailles pas. Autumika. Où est-ce que tu trouves l'argent? Basi unapata maguta wapi? L'argent de mega de chaque jour. Maguta guza mega kila siku. Tu trouves ça où? Huku unaipata wapi? Nous dormons. Si tu nalala. Toi tu es là-bas. Wewe ukupaka na chate. Ku telephone una chate. On a checké, on a chaté, on a checké. Elle rit les péchés. Et on a checké dans le téléphone. Mon téléphone est yake. Elle est contente. Elle rit. Elle n'a qu'à checker. Parce qu'elle rit avec les péchés. Et on a checké dans Zambie. Tu trouves une sœur là. Où t'as vu ta parler? Très joyeuse avec son téléphone. Na fura mbele ya téléphone yake. Tu veux passer? On a fait kupita na fuchika yo mbele. Leur téléphone, on ne touche jamais. Ma téléphone est à Bambakeko. Message. Ujumbe. Code. Code. WhatsApp. WhatsApp. Code. Anaweka koko. Photo. Ma photo. Code. Kuku code. Appel entrant. Pakuita tout monde. Code. Kuku code. Appel sorti. Pakuitika tout monde. Kuku code. Ah. Sas. Mais ton âme est là. Alakini nafsi yako. C'est vide. Aina amuna kitu. Il n'y a pas de code. Amuna code. Les païens entrent. wapagano weko naingia na weko natoka ton âme, mon nafsi yako. Mais ton téléphone, lakini téléphone yako muko makodo. Ton téléphone est plus important. Téléphone yako ni amba fasana ushindia nafsi yako. Payen. Mupagano we mwanamke. Au ciel, même si Dieu veut te bénir. Ataka Mungu anapenda kubariki. Pour que Dieu puisse nous bénir. Dieu Mungu atubariki. Il regarde aussi nos cœurs. Leo naangalia na mioyo yetu. Dieu ne peut pas te bénir. Mungu hawezi kubariki. Parce qu'il connaît déjà tes pensées. Dieu anaisha kujua mawazo yako. Pour le peu que Dieu te donne. Ile kiloko Mungu anakupatia. Il ne soutient pas son église. Ausaidie nayo kanisa yake. Pour qu'il va. Sasa kama Mungu anakuongezea. Il va devenir comment? Utabariki utabariki wacha. Ya moto. Moto yako. Ba frère ba matakati. Ba nduko ba pandake. Kaka base. Paka ba dada. Ton véhicule, gari yako, et même akaba frère, te, aibe bake banduku, kaka base, paka banamuke. Hein, frère, hein, duku. On construit, tuku na yeng. Tu ne donnes rien, aulete kitu, mais tu es l'ingénieur de l'église. Uku tu ingénieur wa kanisa. Ici, il faut mettre les carreaux. Hapa inapashi kuweka makaro nduku hapa hapa. On doit faire, c'est quoi le travail qui nous reste? Tutafanya nini? Les carreaux, non? Makaro, shini karo. Papa, c'est quoi? Carole? Oui, oui, Carole. Oui. Frère, vous allez acheter ça. J'ai mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Vous allez acheter. Mon taouza et les macarons, moi, ma sucote na vakia. La beauté de l'église, Buzuri bwa kanisa, c'est aussi une évangélisation. Na yo ni maubiri. Les instruments de l'église, ma vyombo wa kanisa, c'est aussi une évangélisation. Na yo ni kuubiri bantu. Quelqu'un peut venir. Muntu anaweza kuja. Il regarde l'église. Anaangalia tu kanisa. Anaangalia buzuri wa kanisa. Ici c'est très beau. Hapa Mungu mzuri. Taanza kuomba kwa kanisa. Tabernacle. Quelqu'un vient. Muntu anakuja. Il sait jouer la guitare. Anaweza kupika gitara. Il joue la guitare quasi. Anakuta gitara kina. Mais il y a pas perso, il y a pas quelqu'un pour jouer. Hakuna mtu akupika gitara. Est-ce que tu joues ça? Eh, unayuaka. Tu peux essayer. Unaweza upime. Il joue. Anapima. Il reste là-bas. Anabakiria kule. C'est l'évangélisation. Na yeye ni mahubiri. Amen. Amina. Ne sois pas trop spirituel, frère. Wa la chaise n'est pas spirituelle. Ile kitu nekana ina ya kiro. On demande les carreaux. Analomba kuza makaro. C'est l'argent. Ni feza. Amen. Amina. La foi. Imani. On te prêche la foi. Barakubiri imani. C'est pour que tu sois guéri. Ni juu utunzwe. On te prêche la foi. Barakubiri imani. C'est pour que Dieu te donne le travail. Ni juu Mungu akupatie kazi. Mais pour l'argent. Juu ya feza. Dieu a pourvu à une voie. Mungu anesha tayarisha njia. L'argent ne vient pas par la foi. Feza itoke yake kwa imani. L'argent. Feza. Media ne prêche. Umupime tu Mungu. Dieu te bénit. Mungu naye atakubariki. On prêche la foi, frère. Oh, nduku niko na imani. La main ne va pas tomber. Mana haitanguka. Même quand la main tombe. Hata kama wakati mane ranga. Il avait la fait. Pourquoi mambo? Il faut ramasser. Et pas kwanza kulokota. Et mettre dans la bouche. Na kula. La main ne tombe. Mani na no, comme la main ne tombe. Ouais, wakati non, non, la main, c'est pas. Mishita lokota. Il va mourir de faim. Utakufa na njaa. La main ne tombe. Mani rokwa na nguka. Et puis prends ton bras. Abeba mkono yako. Lokota. Mets dans la bouche. Weka kukinywa. On prêche la bénédiction, frère. Mana baraka nduku. Va chercher le travail. Wende utafute kazi. Qui a-t-il dans ta main? Una nini umukono? Présente d'abord à Jésus ce que tu as. Umuoneshe Yesu kile uko nacho. Jésus va te bénir. Yesu naye atabariki. Kuanzia kile uko nacho. Amen. Amina. Abraham. Abraham. Yaani madam. Akamsema. Fais vite, fais vite. Adam, fanya mbio mbio. Asiye Sara. Dada Sara. Samirmi. Bila kunungunika. Yano mama ici. Kumba mama hapa. Quand il prépare. Wakati one epika. Donc les serviteurs de Dieu c'est seulement chez nous. Mutumbatumisha amu alipaka kwangu. C'est quoi? Ah, nini? Il peut pas changer de maison. Amwezi kubadilisha kama nyumba. Beko na kwa paka huku. Quand il fait ça ma sœur, il n'y a plus de bénédiction. Wakati unafaa vile dada atabariki. Ça ne sert à rien de préparer. Abisaidia hata ukitu wewe kuipika. Quand il soutient l'œuvre. Wakati unasaidia kazi. Na unamanuniko. Ça ne sert à rien de donner. Aina na mafaa wewe kutoa. Poki de force. Nani anakukaza? Personne. Hakuna mtu la nakusukuma. Abraham a dit. Abraham akasema. Les serviteurs. Watumishi. Prenez un veau. Mubebe mwana ngombe. Oyo ya mukete. Hapana kale kaloko. Oyo ya mikuwa ebuka na bukana te. Hapana kufunjika mikulu hapana. Un veau qui est gras. Mwana ngombe wa mnono. Parce qu'il savait la valeur. Aliwa bei. De la personne qui l'a reçu. Ya ule mtu alipokea. Frère, vous ne connaissez pas la valeur de Jésus. Aliwa bei ya Yesu. C'est pourquoi vous donnez à Jésus n'importe quoi. Abraham connaissait la valeur de Jésus. Il a dit, prenez le veau. Oh, il y a ma fouta. Oh, il y a mon nene. Yo maboko na yo. We mikono yako. Eyebi deja oyo ozozwa iza kombi. Inesha na kuyua kuna chakula mposhi ni nini ilo utawea ngapi. Kale panene lofrande pas. Wakati kitunga ya tatake na pika. Kale lifesa. Wakati akingisha bilole ndani. Ilise deja kisa se desa. Anayua sema ile ndesa. Sa se mil franc. Hii ni mil franc. Arie. Apana. Sa se 500. Hii ni 500. Voa. Do ilitiri komisa. Ewa na chomona mule ndani. C'est ce que tu donnes à Dieu. Joël, on empatia, le Dieu du ciel Mungu qui te donne le souffle de vie gratuitement, sans argent, bila feza, sans rien payer. Bila kulipa kitu. Abraham a dit, faites vite. Abraham a dit, mufanye mbio. Après avoir fait ça, kisha kufanya vile. Alléluia. Amen. Jésus, Yesu. Le Dieu que tu adores, Mungu c'est abudu. Abraham. Kwa Abraham. Après avoir mangé, kisha yekula. Abraham a dit, Abraham akasema, prenez encore le lait de vache. Mwewe na maziwa ya ngombe. Donnez à Elohim. Mumpachie Elohim. Elohim. Elohim. A pris le lait. Arikunywa maziwa. De vache. Ya ngombe. Il a bu. Arikunywa. Elohim a desserré un peu la ceinture. Elohim akalekesha mushipi. Il a respiré. Akapumzika mzuri. Frère, quand quelqu'un mange. Duku wakati mtu anakula. Même le secret qui est caché. Ata siri la rificha. Ça sort. Inaanza kutoka. Pourquoi ça sort? Dieu a nini natoka? Il vient de manger. Dieu anatoka mukula. Elohim après avoir mangé. Elohim kisha kula. La nourriture de la sœur Sarah. Chakula ya dada Sarah. A doublé le ventre d'Elohim. Ah, inabufurusha. Elohim a dit. Elohim akasema pana. Quand je reviendrai. Wakati nitarudia. Abraham. Abraham. Tu auras un fils. Utapata mtoto. Abraham avec une révélation. Kisha pata il a dit amen. Akasema amina. Pourquoi Dieu a béni? Dieu a nini Mungu alibariki. Parce qu'il a mangé. Amen. Amen. Mais d'abord, Dieu à la première position. Et Dieu te bénira. Mungu naye atakubariki. Mungu anubariki. Je vous bénisse.